C'était à Paris. Je me promenais avec monsieur de Franqueuil au Palais Royal sur les 5 heures. Il tira sa montre, la regarde et me dit « Allons à l'opéra. » « Je le veux bien. Nous allons. » Il prend 2 billets d'amphithéâtre, m'en donne un et passe le premier avec l'autre. Je le suis, il entre. En entrant après lui, je trouve la porte embarrassée. Je regarde, je vois tout le monde debout. Je juge que je pourrais bien me perdre dans cette foule, ou du moins laisser supposer à monsieur de Franqueuil que j'y suis perdu. Je sors, je reprends ma contremarque, puis mon argent, et je m'en vais, sans songer qu'à peine avais-je atteint la porte, que tout le monde était assis, et qu'alors monsieur de Franqueuil voyait clairement que je n'y étais plus. Comme jamais, rien ne fut plus éloigné de mon humeur que ce trait-là, je le note, pour montrer qu'il y a des moments d'une espèce de délire où il ne faut point juger des hommes par leurs actions. Ce n'était pas précisément voler cet argent, c'était en voler l'emploi. Moins c'était un vol, plus c'était une infamie.